traîné par le bord de la mer Nana. J'ai rencontré la Bura Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer Nana. J'ai rencontré la Bura Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Par le bord de la mer Nana, j'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Mwana ya Nombakele, orange Nombakele.